Bien. ¿Se va? Alors, l'humilité. Oh. L'humilité, selon le Larousse de l'autre siècle, 1990, c'est la manifestation d'une attitude volontaire, modeste, de quelqu'un. C'est l'attitude d'une personne qui se présente sans éclat, sans prétention, comme étant sans importance. L'humilité se présente avec déférence, c'est-à-dire avec respect vis-à-vis de l'autre. Donc, ce matin, dans le témoignage d'une femme qui est durement éprouvée, j'aimerais vous faire remarquer deux façons dont cette femme manifeste l'humilité envers Jésus. Et ça va toucher le cœur de Jésus. Alors, je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 7. Et je vais prier, si vous voulez. Alors, Seigneur, merci de nous avoir conviés ici ce matin. Merci parce que on a entendu parler de toi, Seigneur. En fait, des gens autour de nous qu'on côtoyait, t'avaient connu, t'avaient entendu, avaient remarqué tous les exploits que tu fais, les vies que tu transformes, les guérisons que tu accordes, qu'elles soient physiques ou intérieures, émotionnelles, de cœur. Et ces personnes-là, Seigneur, dont le cœur aussi a été transformé, tu les as amenées à parler de toi. Et nous, un jour, nous avons entendu leur témoignage. Et nous sommes venus vers toi, Jésus. Et je peux te dire, Père, que par Jésus, je n'ai pas été déçu, jamais. Même si les événements, les circonstances étaient parfois difficiles à comprendre, même pénibles à accepter, ta réponse à toi, Jésus, n'a jamais été sans indifférence. Et elle a su vraiment nous combler, chacun de nous, nous rassurer au moment opportun. C'est pourquoi, Seigneur, dans le témoignage de cette femme qu'on va regarder ensemble, aide-nous à saisir l'importance de t'approcher avec humilité. Parce qu'en bout de compte, Seigneur, tu respectes cet aspect de cœur et tu réponds favorablement à nos désirs. Alors, Seigneur, sois glorifié à cause de ta parole, sois glorifié à travers cet enseignement. Que toi seul en retires honneur et gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va voir que l'humilité touche le cœur de Jésus. Je vais lire avec vous Marc 7, 24 à 30. C'est pas très long, mais on en a assez. Donc, Jésus est en partie de là, donc il est dans un autre endroit, et il s'en alla de le territoire de Tyr et Sidon. Vous avez une idée d'où ça se trouve? C'est le bord de la mer, ce bord-là, là. La grande mer, j'entends, là, la mer de Méditerranée. C'est sur ce côté-là, complètement au nord-ouest de la Galilée. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle la pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alors on va regarder ensemble deux façons dont l'humilité se manifeste dans la vie de cette femme par rapport à Jésus. Donc, la première façon, c'est qu'elle reconnaît son besoin d'aller à Jésus. C'est écrit que cette femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de Jésus et se jeta à ses pieds. Donc, une des façons dont l'humilité se manifeste, c'est qu'elle va se courber devant le Seigneur. Elle va reconnaître qui il est. Et à la même temps, elle voit son besoin, elle reconnaît son besoin pour aller à lui. Elle a besoin d'être secourue. Sa fille est tourmentée. Et elle entend parler de Jésus et elle vient à lui. En fait, elle, c'est pas elle, on pourrait dire, qui a une difficulté, un grand besoin. C'est à cause de ce que vit sa fille, elle, ça vient l'impacter. Elle est comme, on pourrait dire, elle ne sait plus quoi faire. Elle est désespérée. Elle est dépourvue face à la situation de sa fille. On ne connaît aucune des démarches qu'elle a faites précédemment. Mais elle ne peut plus voir sa fille souffrir de cette manière-là. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle a entendu parler de Jésus. Donc, comme chacun de nous, on a entendu parler de Jésus un jour. Quelqu'un de son entourage a eu connaissance de qui est Jésus. On est en dehors un peu du territoire d'Israël, juste à la limite, bien que ça l'ait déjà appartenu à Israël. Mais il y a quelqu'un qui a été mis en contact avec Jésus, qui a entendu qui il est, il a entendu et peut-être même vu ce qu'il a fait. Et il en a parlé. Il en a parlé et cette femme-là l'a entendu. Ce que ça l'amène à faire, elle, bien qu'elle soit grecque, donc elle n'est pas juive, elle ne sait pas non plus comment va réagir Jésus. Mais juste de ce qu'elle a entendu de Jésus, elle va quitter sa maison, elle va laisser là sa fille, et elle va aller vers Jésus. Elle croit déjà que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille. Et en même temps, pour elle, parce qu'elle, elle est désespérée. Elle sait que le problème chez sa fille est spirituel. Il y a peut-être des conséquences physiques, des apparitions physiques de comment ça se passe, mais elle sait que le problème est spirituel et que seule une personne ayant l'autorité spirituelle va pouvoir intervenir dans la vie de sa fille et d'avoir un réel impact chez elle. Donc, ce que cette femme-là fait, c'est qu'elle va vers Jésus. Elle quitte sa région, elle quitte sa ville, elle se rend auprès de lui, et rendue auprès de lui dans la ville où se trouve Jésus, elle entre dans la maison, et on croit que c'est une maison où demeurent des Juifs, à cause de ce que Jésus va dire. Lorsqu'il l'appelle, les petits-enfants. Je vais y revenir tantôt. Et elle se jette à ses pieds. Elle s'humilie. C'est pas juste un état physique. C'est d'abord ce qui se passe dans son cœur. C'est d'abord comment elle voit Jésus. Comment elle en a entendu parler. Elle voit Jésus comme étant supérieur à elle. Quelqu'un qui a une autorité que personne d'autre n'a, à cause de ce qu'elle a entendu. Et dû à ça, lorsqu'elle se présente devant Jésus, elle a beaucoup de respect pour lui. Tout en ne sachant pas, comme on l'a dit, comment Jésus va réagir pour elle. Il est écrit au sujet de Jésus dans Matthieu 28, 18, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus a le pouvoir d'ordonner aux démons de quitter. Il a cette autorité-là. Là où on se trouve dans l'Évangile de Marc, jusqu'à maintenant, il l'a démontré déjà quelques fois auparavant. Et cette femme-là, la façon dont elle va manifester aussi l'humilité par rapport à Jésus, c'est qu'elle va le prier de chasser le démon de sa fille. Sa demande est claire, elle est simple, mais elle s'attend à une réponse. Il y a un an à peu près, alors que je me sentais mal, donc en juin 2018, j'avais de la misère à respirer et j'avais un malaise. Ce que ça m'a amené à faire, c'est d'aller voir un médecin. Dans le but que lui puisse m'aider à résoudre mon problème. Et par la grâce de Dieu, le médecin a découvert que j'avais un problème cardiaque. Fait qu'il m'a pris un rendez-vous, m'a envoyé à l'hôpital. Et dans les quelques jours qui ont suivi, ils m'ont installé un stent qu'on appelle. C'est un ressort qu'on met dans une artère coronarienne. Et depuis ce temps-là, on roule comme une auto neuve. Mais je devais au départ reconnaître que j'avais besoin du médecin. Un peu comme cette femme, elle a reconnu qu'elle en avait un besoin. Il n'était pas d'ordre physique, bien que ça affectait sa fille, mais elle a dû reconnaître qu'elle avait un besoin d'aller voir un médecin. D'aller voir celui qui était capable d'intervenir dans leur vie. Elle a dû se déplacer comme j'ai dû me déplacer. Et elle a dû se soumettre, quelque part, à ce que le médecin, le cardiologue, sur la table d'opération, point dans mon cas, allait faire avec moi. Et elle aussi, elle devait se soumettre à ce que Jésus allait lui dire, allait lui proposer. Jésus a dit quelque part, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. » Et cette femme-là, elle a reconnu qu'elle avait un besoin, elle a reconnu que sa fille était malade, que ça affectait sa vie, et qu'elle avait besoin qu'un puissant médecin intervienne. En fait, des fois, toi, t'arrive-t-il d'être dépassé par les événements? Est-ce que tu vis des circonstances qu'on pourrait dire incontrôlables, qui te dépassent? Ça peut être dans ta vie comme ça peut être un proche, quelqu'un qui est auprès de toi, avec lequel tu vis, mais que tu le vois profondément souffrir, parce qu'il n'a pas choisi Jésus encore, parce qu'il n'est pas allé vers lui. Comme cette femme, si toi tu vis une circonstance incontrôlable, va voir Jésus. Va voir Jésus avec un cœur humble. Expose-lui ta requête de façon claire, de façon simple, mais vraie. Et attends-toi à lui. Donc, cette femme, elle reconnaît qu'elle a un besoin d'être secourue. Elle a entendu parler de Jésus. Elle va le voir pour résoudre un problème spirituel. Elle se jette à ses pieds et elle lui expose sa demande clairement et humblement. La deuxième façon dont se manifeste l'humilité de cette femme par rapport à Jésus et qui va toucher son cœur, c'est qu'elle ne conteste pas ce que Jésus dit d'elle, ce que Jésus dit de nous. Elle ne conteste pas ça. Regardez le texte. À partir du verset 27. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va le démon, est sorti de ta fille. » Jésus a d'abord été envoyé chez les Juifs, chez les siens, dans sa nation. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela qu'il va parler ici des petits-enfants. Si vous avez lu les épîtres de Jean, par exemple, Jean appelle souvent les croyants des petits-enfants. Parce que bien qu'on ait 60 ans, 70, 80, 200, si on veut, on reste toujours un petit enfant pour Dieu. On reste toujours ses enfants adoptifs de lesquels il prend soin. Alors, lorsqu'il parle des petits-enfants ici, il parle des Juifs. Alors que cette femme, elle est quoi? Elle est grecque. Elle est syro-phénicienne. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas de la nation d'Israël. Donc, sous forme de parabole, Jésus va dire à cette femme qui est grecque que sa nation, ce qu'elle est, ce à quoi elle appartient, est considérée par les Juifs comme des petits chiens. Chez les Juifs, les chiens sont des animaux impurs, que les enfants de Dieu ne doivent ni toucher, ni posséder, ni côtoyer, ni laisser encore moins entrer dans sa maison. Pourtant, cette dame-là est entrée dans la maison d'un Juif. Et elle est aux pieds du roi des Juifs. Jésus n'est pas en train d'insulter cette femme-là. Il n'est pas en train de la mépriser. Il lui expose simplement la vérité. Il lui dit clairement qu'elle est une païenne. Ce que chacun de nous, on est. À moins que quelqu'un me dise qu'il a des racines juives. Bien, c'est sûr que c'est votre montée à Noé, vous allez en avoir, là, mais... Mais vous comprenez que chacun de nous, on est un païen comme cette femme. Mais voici ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament. Tournez dans Éphésiens, chapitre 2. Par rapport à tous ceux qui ne sont pas juifs. Éphèse, ou les Éphésiens, cette église-là, elle est constituée principalement de non-juifs. Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12. « Vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est exactement l'état de cette femme. Il n'y a aucune promesse qui sont réservées au peuple hors juif. Et pourtant, elle est quand même là. Cette femme accepte ce que Jésus dit d'elle. Elle ne conteste pas. Elle est déterminée. Elle est même très audacieuse de répondre à Jésus. Elle est remplie de foi. Et voici ce qu'elle va dire. Oui, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. En fait, elle reconnaît que Jésus a raison de parler comme ça. Et elle ne se sent pas diminuée. Si je disais aujourd'hui à quelqu'un ici, vous êtes un petit chien, peut-être que vous deviendriez rouge dans votre face. Mais elle ne se sent pas comme ça. Elle reconnaît que Jésus a raison de parler ainsi et de la voir de cette façon. Elle ne conteste pas ce que Jésus dit d'elle. Fait, quand on a vu dans les autres passages précédents que Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, je pourrais m'offenser. Je pourrais vraiment être insulté, avoir le goût de claquer la porte, de m'en aller et de dire « ils me traitent tous de pécheurs ». En fait, c'est un pécheur qui reconnaît un pécheur. Mais dans le cas de Jésus, c'est qu'il voit cette femme-là et il sait qu'elle vient à lui avec un besoin très précis et un besoin d'ordre spirituel, d'être délivré d'un démon, sa fille. Elle reconnaît en même temps, en tant que petit chien, qu'elle n'a aucun droit d'être là où elle est devant Jésus, dans la maison d'un juif. Et ce qu'elle fait en même temps, c'est qu'elle lui demande grâce. Elle attend la réponse de Jésus. Elle lui dit en même temps que les Juifs, là, ceux qui sont là dans la salle, comme toute la nation d'Israël, c'est qu'eux autres, ils laissent de côté, ils laissent tomber les miettes, ils laissent tomber de la table, ils ne veulent pas ramasser, ils ne considèrent comme peu d'importance ce que Jésus leur donne. Mais elle qui est à genoux, en fait, elle est comme un petit chien sous la table, elle a dit, garde, moi ce qu'eux ne veulent pas récupérer, moi je le veux. En fait, elle attend de dire à Jésus, tout ce que tu en réserves pour ton peuple juif, moi, ça m'intéresse. Je veux l'avoir. Pas juste pour moi, je veux l'avoir pour ma fille. Elle veut que tout ce que Jésus donne à son peuple bien-aimé lui soit accordé. Et en tant que païens, nous aussi, lorsqu'on vient à Jésus, c'est qu'on est en train de dire au Seigneur, « Seigneur, tout ce que tu réserves à Israël, moi, je le veux. Donne-le-moi, s'il te plaît. » Même si cette femme n'est pas juive de naissance, Jésus va lui donner ce qu'elle veut. À cause de l'humilité de son cœur. Pour toute personne qui fait confiance à Jésus, qui s'approche de lui avec humilité, Jésus répond à sa demande, indistinctement de quelle nation elle provient. On retourne dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18. Mais maintenant, donc pour celui qui a cru, qui a accepté Jésus-Christ, qui se soumet humblement à sa volonté et qui reçoit ce que Jésus veut lui donner. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, exactement ce qui est réservé au peuple d'Israël, vous l'avez obtenu. Car il est notre paix. Lui qui, des deux nations, juifs et grecs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié qui existait entre les deux peuples. En fait, j'aurais aimé voir ou entendre la réaction des Juifs dans cette maison-là quand cette femme-là est entrée. Ça se peut qu'il y avait le goût de jaser. Oui. À l'origine, Tyr fait partie d'un territoire juif. À ce moment-là, il est un peu séparé au temps de Jésus-Christ. Il fait partie, comme on va dire, du Liban, qu'Anouar connaît bien. Okay? Donc, c'est plus par en haut. Je continue la lecture dans Éphésiens 2. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux nations, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, commun, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, chacun de nous, et la paix à ceux qui étaient près, le peuple d'Israël. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. De ce qu'on vient de voir, quand cette dame-là manifeste l'humilité à l'égard de Jésus, c'est que Jésus, au départ, lorsqu'il la prend, lorsqu'il la reçoit, il utilise une parabole, une image qu'elle est capable de comprendre. Mais c'est quand même étonnant qu'elle, qui est grecque, comprend les paraboles de Jésus, alors qu'il y a plein de Juifs qui ne comprennent pas du tout. Mais Dieu lui ouvre les yeux pour comprendre. Elle accepte ce que Jésus dit d'elle sans contester. Elle ne se laisse pas décourager par la réponse de Jésus et elle désire tout ce que les Juifs ne veulent pas. Tout ça, ça l'intéresse, elle, et finalement, elle reçoit la grâce que Dieu donne. N'étant pas juifs nous-mêmes, nous étions privés de tout accès à Dieu. Nous étions des païens, des ennemis de Dieu à cause de notre péché. Mais Jésus, par son sang versé à la croix, donne à toute personne qui s'approche de lui avec humilité l'occasion d'être réconcilié avec le Père, d'être en paix avec Dieu, tout comme ce qu'il a réservé à Israël. Comme cette femme, ce que Jésus dit de toi, que ton péché te prive de la gloire de Dieu, demande avec humilité, approche Jésus avec humilité. Reconnais ce qu'il te montre dans sa parole, reconnais ce que peut-être un frère ou une sœur te dit. Reconnais que ça vient de Dieu, que c'est démontré par les Écritures. Et avec un cœur humble, attends-toi à ce que Jésus va répondre. Écoute bien ce que Jésus va te dire. Puis, de grâce, ne le prends pas comme étant une insulte, mais comme étant une parole de vérité qui va te libérer. Accepte-la pleinement, humblement. Dans ce texte de Marc 7, cette femme a montré deux façons de manifester son humilité envers Jésus et elle a touché son cœur. Premièrement, elle est allée vers lui. Elle avait un besoin spirituel à régler. Elle a entendu parler de Jésus qui peut régler le problème spirituel. Elle s'est humiliée devant lui, elle s'est prosternée devant lui, elle a reconnu son autorité sur elle. Elle lui a exposé clairement son besoin. Deuxièmement, c'est qu'elle n'a pas contesté ce que Jésus disait d'elle. Elle savait qu'elle était un petit chien, une païenne, n'ayant aucun droit par rapport au peuple juif. Mais ça ne l'a pas empêché d'y aller. Elle a persévéré dans sa demande, insisté, je dirais. Elle a obtenu satisfaction, le démon est sorti de sa fille. Il est parti. Non seulement elle-même, elle est soulagée, mais le problème de fond de sa fille, il n'existe plus. Donc, humilie-toi aussi devant Jésus, et il te sera favorable. Jésus a l'autorité de solutionner ton besoin spirituel, de laver ton cœur, de changer ton cœur. Tout seul, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin d'un plus grand que toi pour solutionner le problème qui est dans le cœur de l'homme, le péché. Tu as besoin que quelqu'un efface le péché. Reconnais-tu comme cette femme que tu es séparée de Dieu à cause de ton péché, que tu ne fais pas partie non plus du peuple choisi de Dieu, et que, en réalité, tu aurais pu rester loin de Dieu tout le temps? Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, c'est pourquoi approche-toi de Jésus et humilie-toi devant lui, et il te sera favorable. Fais-le sur le champ si ce n'est pas déjà fait. Attends pas. Tu manques juste les bénédictions que Dieu veut te donner. Parce que l'humilité touche le cœur de Jésus. Et il va vraiment répondre à ton besoin. Tu peux prier? Jésus, merci d'être accessible à tous les hommes, indistinctement de notre arrière-plan. Merci parce que lorsqu'on se présente avec humilité devant toi, Seigneur, reconnaissant qu'on a besoin de toi pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré, tu nous écoutes, tu nous accueilles et tu fais l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et toi, Seigneur Jésus, tu as cette autorité de faire l'impossible dans la vie des êtres humains. On tient à te remercier profondément, Jésus, d'avoir pris nos vies en main et d'avoir réglé une fois pour toutes le problème du péché dans nos vies. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et pour celui ou celle dans cette salle, Seigneur, qui ressent aujourd'hui un profond besoin spirituel de te connaître, d'être délivré de son péché, de cesser de souffrir, Seigneur, à cause du péché. Nous te prions, Seigneur, qu'elle vienne à toi de tout cœur, humblement, et qu'elle te demande, Seigneur, d'agir. Parce que toi seul as cette autorité. Amen.